conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment fonder l'idée d'une justice environnementale ? Depuis quelques décennies, nous savons que l'humanité consomme davantage de ressources renouvelables qu'il ne s'en régénère. Dès lors, sauf à jouer avec les mots, comment son développement pourrait-il devenir durable ? Par ailleurs, qu'il s'agisse de changement climatique, de diminution des espaces de vie, d'effondrement de la biodiversité, de déforestation, de pollution des sols, de l'air et de l'eau, tous les indicateurs sont alarmants et toutes les projections sont inquiétantes. Dans le même temps, chacun voit bien trois tendances qui se dessinent nettement. 1. Tous ces changements environnementaux n'affectent pas tous les humains de la même manière. 2. Les plus démunis, qui sont pourtant ceux qui polluent le moins, se voient réclamer les plus gros efforts relativement à leurs moyens. 3. Les plus démunis sont également ceux que l'on consulte le moins dans la mise en œuvre des politiques environnementales. Par le télescopage de ces trois tendances, les crises environnementales et les inégalités sociales en viennent à se renforcer l'une l'autre. Dès lors, est-il possible de les considérer ensemble, de les attaquer de front ? C'est l'idée que veut promouvoir la notion de justice environnementale. Mais comment la fonder ? Et par quel stratagème pourrait-on la mettre en pratique à l'échelle de la planète tout entière ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Schluss, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, directrice du département Hommes et Environnement au Muséum, et vous venez de publier avec quelques-uns de vos collègues un manifeste dont nous allons reparler. Mais avant, je voudrais interroger votre métier d'anthropologue. Lévi-Strauss disait que les régions du monde ont des personnalités qui résonnent plus ou moins avec la nôtre. Est-ce qu'il y a donc pour vous des personnalités qui vous inspirent plus que d'autres ? Des régions, des cultures qui vous fascinent plus que les autres ? Alors, cette question est difficile parce que moi, je suis anthropologue et spécialisée en anthropologie maritime. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les liens entre les humains et les océans. Donc, sauf à considérer l'océan ou les différentes mers comme des régions spécifiques, j'ai pas forcément de région d'attraction par rapport à ce que je connais, à ce que j'ai vécu ou par rapport à mes émotions. Mais j'ai principalement travaillé dans deux régions, en Bretagne, avec les marins pêcheurs, avec les pêcheurs à pied, dans le cadre des la première création d'un parc naturel marin, le parc naturel marin d'Iroise, donc pour voir comment se mettait en place cette nouvelle forme d'aire marine protégée. Et j'ai aussi beaucoup travaillé en Polynésie française, et notamment dans un archipel absolument merveilleux qui est l'archipel des Marquises, où là aussi il y avait une idée de mettre en place une aire marine protégée ou aire marine gérée, comme le gouvernement polynésien préférait l'appeler, et donc travailler avec les Marquisiens sur leur relation avec ce milieu marin. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant travaillé aussi en Bretagne et aussi aux Marquises, où on peut se dire c'est quand même, voilà, c'est aux antipodes géographiques, mais alors il y a des différences certaines, hein, dans les relations, les cosmogonies, mais il y a aussi des convergences que je retrouvais entre ces manières, de ces savoirs et ces savoir-faire des pêcheurs bretons ou des pêcheurs marquisiens. Mais est-ce que leur rapport à la mer est tellement différent qu'on a du mal à les rendre, dans vos études en tout cas, commensurables ? Est-ce qu'il y a la même inquiétude par rapport à la pêche, par exemple, dans les îles Marquises ou en Bretagne ? Alors, est-ce qu'ils sont solidaires ? Effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils se rendent compte, puisqu'ils ont des savoirs qui sont quand même extrêmement riches, qu'il y a une dégradation de la biodiversité, une dégradation, un déclin de la pêche qu'ils perçoivent tous les jours. Alors pas au même rythme, évidemment, parce qu'entre la Bretagne et puis où il y a quand même beaucoup de pêcheurs, et puis les Marquises où il y a environ 9000 personnes qui habitent sur 6 îles habitées, où il n'y a pas de pêche industrielle, sauf les pêches autour de leur, ou dans parfois, les incursions dans la zone économique exclusive. Mais ceci dit, ils perçoivent ces changements. Et ces changements les inquiètent évidemment parce que c'est leur métier, parce que c'est leur savoir. Ils perçoivent aussi des changements sur les pollutions, sur les différentes atteintes que l'on est capable de mesurer aujourd'hui, de quantifier au niveau de l'océan. Mais des mots comme nature, société, culture n'ont pas de, de validité universelle. Et donc, est-ce qu'il est possible d'en parler sans imposer un point de vue particulier ? En fait, l'idée, c'est effectivement de pas d'imposer de point de vue, mais de les écouter. Et donc, écouter les marins-pêcheurs bretons ou les pêcheurs à pied avec lesquels j'ai beaucoup travaillé sur la manière dont ils appréhendent cet écosystème. Quel est cet écosystème, mais qui reste toujours dans une perception un peu occidentale, un écosystème où l'homme est quand même séparé de la nature. Et effectivement, en Polynésie française et notamment aux Marquises, où là, il y a une intégration extrêmement forte de la nature telle qu'on la désigne nous, avec cette population. Et donc, les enchevêtrements nature-culture sont beaucoup plus forts, et l'océan aux Marquises, c'est vraiment c'est leur environnement, et c'est pas comme nous un environnement qui sépare, c'est au contraire un environnement qui relie les différentes îles, qui relie les vallées, parce qu'on parle de vallées plutôt que de villages entre eux, et qui relie aussi les différents peuples océaniens. Frédéric Schuss, vous avez dirigé une équipe, vous avez présidé un comité qui a récemment publié un manifeste qui s'intitule le manifeste du muséum, qui promeut l'idée d'une justice environnementale. Alors pourquoi maintenant un manifeste et comment est-ce que ça se fabrique? Quelles compétences, quelles disciplines faut-il rassembler pour publier un tel manifeste qui soit à la fois cohérent et complet? Oui, vous m'avez posé deux questions, qui sont deux questions importantes. La première, vous en avez parlé dans votre introduction, ce déclin de la biodiversité, ces changements environnementaux à une rapidité, une intensité qui n'ont jamais été encore égalés, qui nécessitent aujourd'hui une prise en compte au niveau local, régional, national et mondial pour pouvoir changer, pour pouvoir avoir un monde qui soit habitable encore pour les humains et puis pour les autres vivants. Et donc, pour lutter contre ces changements climatiques et ces changements environnementaux en vue du déclin de la biodiversité, il est important de penser aussi la justice environnementale. Parce que sans justice, on ne pourra pas avoir des politiques publiques qui soient mises en place et qui soient efficaces. Donc, aujourd'hui, on en est là. Le muséum national d'histoire naturelle s'est toujours beaucoup investi pour faire connaître la biodiversité, la biogéodiversité et les diversités culturelles. C'est quelque chose d'important, connaître cette biodiversité. Le muséum aussi, depuis de très très nombreuses années, alerté sur le déclin de cette biodiversité. On peut citer par exemple Roger Haim, qui est un professeur du muséum, qui a participé à la création de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui l'a présidé dans les années 50, qui a aussi fait la préface de la traduction française de l'ouvrage, alors qui est connu dans nos milieux, mais de Rachel Carson, qui s'intitule « Le printemps silencieux » en 1962, et qui alertait déjà sur le déclin des oiseaux en relation avec la pollution et les pesticides. Bon, il y a aussi Jean Dorce qui avait écrit en 1965, avant que nature meure. Donc on voit bien que ces alertes, elles sont là depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, ce qui nous paraît aussi important, c'est de faire advenir ou de participer pour faire advenir ces changements transformateurs tels qu'ils ont été définis par l'IPBES. Donc cette plateforme internationale équivalent du GIEC, on a l'habitude de dire, pour la biodiversité. Mais donc, publier un manifeste, c'est pas la même chose que publier un article. Ça veut dire que vous avez l'impression de ne pas avoir été suffisamment écouté pendant toutes les décennies où des alertes avaient déjà été lancées. Malheureusement, je pense que le constat, il est là, oui, pas suffisamment écouté. Écouté peut-être un petit peu, mais pas suffisamment. Et aujourd'hui, donc, il y a ces alertes sur la biodiversité, mais le manifeste met vraiment en avant qu'à côté de la protection de la biodiversité, il faut aussi penser aux humains et à la justice entre humains et la justice entre humains et autres vivants. Alors le texte que vous avez publié, Frédéric Schuss, il est assez court. Le manifeste est en anglais et en français. Comment est-ce que vous l'avez réalisé? Avec quelle équipe? Il y a moins d'une dizaine de personnes qui ont participé à ce travail que vous avez présidé. Comment est-ce que vous avez procédé? Combien de temps ça a pris pour se mettre d'accord? Est-ce qu'il y a eu des tensions, des points de désaccord? Est-ce que c'est un compromis difficile à obtenir ? Alors, les manifestes, ils se construisent toujours de la même manière. Donc, j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs manifestes du muséum. L'idée, c'est vraiment d'avoir la parole du muséum. Et donc, pour construire une parole institutionnelle qui est portée par l'établissement, ce qui est important, on invite à chaque fois moitié de chercheurs du muséum et moitié de chercheurs extérieurs pour pas rester en vase clos, hein, parce que on n'est pas omniscient au muséum. Et aussi parce qu'il est important d'avoir des disciplines extrêmement différentes. Et là, vous avez des disciplines, une juriste, géographe, économiste, sociologue, démographe, climatologue, philosophe, écologue. Et donc, cette vision interdisciplinaire, pour nous, elle est absolument fondamentale. Donc, voilà, Nadia Belaïdi a participé, Marie-Christine Cormier-Salem, Bruno David, Christian de Pertuis, Valérie Deldrève, Hervé Domenac, Éric Guilardi, Catherine Larère, Guillaume Lecointre et Emmanuel Porcher. Et donc, c'est cet ensemble de personnes qui acceptent toutes, depuis le départ, le contrat, le cadre, c'est-à-dire que ça va être après un livre porté par l'institution, et qui se réunissent, et en 6 mois, c'est ça la gageure, c'est d'écrire ce texte qui est assez court, mais qui est volontairement court, pour qu'il soit lu, on espère qu'il soit lu, qui est adressé à un public large, donc on essaye de pas être trop, de pas mettre trop de références ou d'essayer d'avoir un langage suffisamment clair, et donc on se met d'accord sur un plan, des idées principales que l'on veut voir apparaître, et petit à petit on rédige jusqu'à être d'accord. On commence généralement au mois de février, on va dire, et puis au mois de juillet, on est d'accord sur la version finale. Frédéric Chou, sans vouloir trahir le secret de vos discussions, est-ce qu'il y a eu des points plus difficiles que d'autres, voire des antagonismes très profonds dans ce comité ? Alors, des points difficiles de deux sortes. Le premier, c'est se mettre d'accord sur les notions, parce que c'est un sujet complexe. Parce que derrière justice environnementale, il y a la question de justice, la question de l'égalité, la question de l'équité. C'est des mots qui veulent dire des choses différentes. Inégalité n'est pas synonyme, voilà, n'est pas si proche que ça de justice. Donc, c'est des notions complexes. Donc, il a fallu déjà qu'on se mette d'accord sur les notions qu'on voulait mettre en avant, et puis sur la manière dont on allait en parler. Et peut-être, voilà, derrière, chacun venait avec son épistémologie ou avec ses références. Les références philosophiques sont pas forcément celles des sociologues ou des anthropologues ou des géographes ou des juristes et donc ou des économistes. Et donc, il a fallu se mettre d'accord là-dessus. Après, le point, je vais pas trahir comme vous dites, le secret des discussions, mais un point qui est quand même un petit peu compliqué. C'est qu'on va dire qu'on avait, alors c'était pas forcément moitié-moitié, mais on avait deux types de regards. Un regard assez occidentalo-centré, on va dire. Et puis au contraire, un regard voilà, de personnes qui travaillent avec des populations différentes et qui à chaque fois ramenaient cette question de reconnaissance des différentes formes d'appréhension du monde et des différentes formes de savoir. Alors, quand j'ai voulu m'intéresser à cette question, la question que je me posais a priori, c'est celle-ci. Il y a différentes théories de la justice, mais c'est toujours la justice appliquée aux humains, pour les humains. Et quand on veut appliquer ce terme ou ces différentes théories de la justice à l'environnement, est-ce qu'on peut reprendre les théories déjà existantes et changer leur domaine d'application, ou est-ce qu'il faut inventer de nouvelles théories de la justice ? Bon, je suis pas juriste, donc je vais rester dans mon domaine de compétences. Parce que finalement, on va faire de certains éléments naturels des sujets de droit, ce qui peut-être suppose de changer la façon de penser la justice. Alors, certainement la façon de changer la justice, j'y reviendrai, mais aussi la façon de changer notre relation au monde. Parce que pour moi, c'est plus une question anthropologique et philosophique qu'une question juridique. Parce que, effectivement, aujourd'hui, les sujets de droit, ce sont les humains. Mais on a aussi des sujets de droit qui sont des personnes morales. Donc, des personnes morales, qui peuvent être des associations, des entreprises, etc. Et donc, techniquement, il n'y a rien qui empêcherait qu'on se dise qu'un élément, une entité naturelle, soit aussi un sujet de droit. On étendrait cette question du sujet de droit. Après, il y a quand même une question qui est la question de la représentation. Qui représente cette entité naturelle qui deviendrait un sujet de droit ? La question quand même aujourd'hui, c'est dans nos pays occidentaux, c'est majoritairement cette question. Est-ce que, alors qu'on a toujours considéré les animaux, les entités naturelles comme des choses, c'est ce qui est inscrit dans le droit français notamment, de ce que je connais, est-ce qu'on va les considérer autrement que comme des choses ? Et donc là, on n'est plus dans une question véritablement juridique, mais vraiment dans un débat philosophique. Et c'est ce dont on parle aussi dans le manifeste, c'est de dire qu'il y a en fait... on pourrait le considérer, soit en se disant parce que, effectivement, on considère qu'on fait partie de ces écosystèmes, que l'humain est une composante, comme les autres entités de cet écosystème. Et donc, le droit naturel, hein, il serait naturel que les autres vivants aient les mêmes droits que les humains. Soit on pourrait aussi considérer, pour faire changer les choses, plus du côté de la performativité, se dire que c'est plus performant de donner un droit aux entités naturelles pour les protéger. Et là, ça pourrait, effectivement, on pourrait se dire, bon, voilà, pour être plus performant, eh ben, on va donner des droits à des fleuves, à d'autres entités. Et puis un troisième aspect, alors, dont on est moins proche, mais on voit ça parce que ça existe déjà dans d'autres pays, c'est au niveau culturel. C'est-à-dire qu'il y a des pays où culturellement, cette séparation entre les humains et les autres vivants, ou les autres entités naturelles, elle n'existe pas. En 2008... Par exemple, les fleuves font d'une certaine façon partie de l'humanité. Exactement. C'est effectivement, il y a le fleuve Whanganui qui est... un fleuve qui est devenu un sujet de droit. En Nouvelle-Zélande, c'est ça ? En Nouvelle-Zélande. Et c'est les Maoris, parce qu'ils ont un lien culturel extrêmement fort avec ce fleuve-là, qui sont les représentants de ce fleuve. Alors, dans la Constitution en Équateur, je crois que c'est en 2008, où, de la même manière, la terre-mère, est devenue un sujet de droit, ce qui est vrai aussi après en Bolivie, dans le Panama, je crois. Et voilà, donc, c'est des questions... à la fois juridique, mais aussi beaucoup anthropologique. Alors, Philippe Descola, que nous avons reçu à cette émission, il nous avait parlé de ce qu'il appelait un tohu-bohu ethnographique. Et il avait voulu y mettre un peu d'ordre, et il avait repéré, distingué quatre modes de composition des relations entre les humains et les non-humains, ce qu'il appelle les corps associés. Et ces quatre modes de composition, il les a appelés l'animisme, le naturalisme, le totémisme et l'analogisme. J'imagine que vous connaissez tout cela. Est-ce que dans ces modes de composition, il y en a qui en sont à justice environnementale déjà intégrés, si j'ose dire? C'est-à-dire comme il n'y a pas de séparation entre les humains et les corps associés, finalement, il y a une sorte d'équilibre naturel, à la fois naturel et humain, qui est trouvé, de sorte qu'on n'a pas besoin d'inventer de nouveaux modes de relations. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, nous, on est plutôt dans les catégories, on est dans cette catégorie naturaliste, avec cette séparation des humains et des autres vivants. Après, effectivement, il y a d'autres cultures qui prennent en compte, où les liens, il n'y a pas de séparation et les liens existent de fait, hein, puisque, voilà, on parle beaucoup en anthropologie, si on veut vraiment faire comprendre ces liens, que certaines plantes ou certains animaux peuvent être considérés comme des beaux-frères, belles-sœurs. Voilà, on a des relations sociales. Familiales presque. Familiales, extrêmement importantes. On ne tue pas un animal comme ça, même si on doit le tuer pour manger. Mais il y a des relations extrêmement fortes. Alors ça c'est un fait et les anthropologues l'ont montré dans plein de sociétés. Après, c'est aujourd'hui comment ça s'inscrit dans le droit. et il y a différentes formes. Alors, encore une fois, je suis pas juriste, mais il y a ce droit national, et après, il y a aussi, on travaille beaucoup en anthropologie sur ces formes hybrides entre ces gestions traditionnelles de l'environnement, où sont inscrites ces relations, et des gestions voilà plus on va dire d'état, de droit des états. Et quand je parlais tout à l'heure de l'équateur qui inscrit la terre mère ou du fleuve Wanganui, c'est bien parce que dans ces il y a des soit des éléments des populations autochtones qui ont des liens très forts et qu'on reconnaît dans un état, soit parce que la population elle-même a un lien très fort avec cette terre mère comme en Équateur par exemple. Frédéric Chose, je voulais qu'on parle un peu de la répartition donc spatiale de la biodiversité. On sait qu'elle n'est pas du tout homogène, qu'en gros, plus on s'approche de l'équateur et plus il y a d'espèces vivantes. Est-ce qu'on a pu identifier des zones critiques où la chute de la biodiversité est devenue tragique? Alors, des zones critiques, aujourd'hui, on parle beaucoup de la zone intertropicale, qui est une zone affecté par le changement climatique, par l'ensemble des 5 menaces qui sont mises en avant par l'IPBES, donc changement climatique, surexploitation, pollution, artificialisation des sols et espèces exotiques envahissantes. Mais effectivement, il y a certainement des espaces qui sont plus fragiles que d'autres, où il y a des espèces qui cumulent, où il existe des espèces endémiques aussi et qui peuvent être vraiment très vulnérables face à toutes ces menaces. Mais globalement, dans le monde et sur les différents espaces, que ça soit, je vous ai dit que je travaillais sur la mer, sur l'océan et qui est en grand danger, la terre, les sols, on voit bien que voilà qu'on est dans un moment vraiment extrêmement difficile. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est en transformant leur environnement que les humains se sont adaptés au cours de l'histoire? Est-ce que c'est une tendance qu'il faut persévérer? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Il faudrait donc continuer à transformer pour encaisser tous ces chocs? Ou bien est-ce qu'il faut envisager d'autres voies? Autrement dit, est-ce qu'il faut continuer à modifier? Ou est-ce qu'au contraire, il faut en quelque sorte désinnover pour pouvoir remettre le monde à l'équilibre? Alors là, je vais pas parler en tant que présidente ou de ce collectif. Parce que ça pose la question de la technique. Quel rôle on donne à la technique? C'est une question qui est peu abordée dans le manifeste, et j'en ai peut-être abusivement déduit que c'était un sujet polémique. C'est un sujet effectivement où chacun se positionne, et si l'homme, pour habiter le monde, à transformer son environnement de manière plus ou moins importante, hein, puisqu'on sait quand même que les forêts d'Amazonie où des populations autochtones ont habité, des Amérindiens pendant très longtemps, ont été transformées avec des plantations, des aménagements. Donc il y a différents types d'aménagements. Effectivement, aujourd'hui, la manière dont le système capitaliste technique transforme son environnement, on doit, à mon avis, pas continuer dans ce sens-là. Oui, dans le manifeste, il est dit, et c'est une façon de dire qu'il y a des formes d'injustice graves qui se sont déjà installées. Vous écrivez, alors je ne sais pas si c'est vous, enfin c'est le comité. C'est le comité. Le comité qui écrit, il n'y a pas de corrélation entre l'importance des ressources naturelles des pays ou des régions et leur production et consommation de biens et de services. Alors ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'on peut donner un exemple? Dans le manifeste, vous parlez du Bangladesh. Alors, le Bangladesh, c'est un autre sujet, puisque le Bangladesh, on est plutôt sur cette partie du monde qui s'est toujours adaptée à des conditions quand même un petit peu difficiles, puisqu'il y avait des remontées marines régulièrement, mais qu'il savait les gérer. Aujourd'hui, avec la question de la montée des eaux et avec la question aussi de l'aménagement des fleuves, là, ils vont avoir du mal, véritablement, à s'adapter comme ils ont pu s'adapter. Parce qu'ils sont impactés gravement par des effets dont ils ne sont pas responsables. Exactement. Et ça c'est vrai pour beaucoup de populations. Et pour la phrase que vous citiez, ce qui est important de voir, c'est que parfois il y a des ressources extrêmement importantes dans un pays, mais un pays, peut-être un pays d'Afrique, si on prend ces exemples-là, on le sait, hein, qui ont des ressources importantes, des pays qui ont été colonisés, dont on a changé après, on a imposé des types d'agriculture pour l'exportation. Et ces pays-là, alors qu'ils ont des ressources importantes, ne sont pas ceux qui profitent le plus de leurs ressources, puisque leurs ressources, elles sont exportées, parce qu'ils reçoivent des pollutions qu'on importe chez eux. C'est, voilà, il y a une... Il faut pas se dire que ce qu'on voulait dire par là, c'est vraiment que les inégalités sont pas naturelles. C'est pas parce que j'habite dans un endroit qui me semble un petit peu difficile à vivre que c'est une inégalité. Non, les inégalités, elles sont construites socialement à l'intérieur d'un pays et entre les pays. À votre manifeste, Frédéric Stouss, il fait moins d'une quarantaine de pages, enfin moins de 50, 46 pages, je crois. Mais vous prenez quand même dans ce texte court le temps d'expliquer les différences que vous faites entre les notions de différence, d'inégalité, d'inéquité et d'injustice. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu parce que c'est assez subtil? La différence, par exemple, entre inégalité et inéquité. Alors, parce que dans la notion d'inéquité, il y a déjà la notion d'injustice. Oui. Il n'y a pas forcément dans celle d'inégalité. Effectivement, parce qu'il existe des inégalités de fait. Dans toutes les sociétés, il y a des inégalités de fait, mais elles ne sont pas forcément considérées comme injustes. Puisque la justice, justement, c'est l'idée de réduire, de faire en sorte que ces inégalités soient pas trop importantes, et donc de contrer ces inégalités, et aussi cette question d'offrir inégalité des chances. Cette question des inégalités, en fait, si on relie inégalité sociale et inégalité environnementale, elle est apparue notamment aux États-Unis quand des communautés, notamment des communautés noires, ont mis en avant qu'elles habitaient et qu'elles vivaient sur des milieux qui étaient vraiment des milieux pollués et des milieux relégués où toutes les pollutions étaient déversées dans leur milieu. Donc c'est une dimension politique. Où là, il y a un sentiment d'injustice. Pourquoi ces espaces-là, où ils vivent, sont les espaces où on retrouve le maximum de pollution, de difficultés, et donc s'empiète sur l'égalité des chances aussi, hein, sur la qualité sanitaire, la possibilité de continuer à vivre dans un environnement sain. Donc, il y a cette question des inégalités qui est une question difficile, et la question de l'équité, c'est redresser ces inégalités en les prenant véritablement en compte. Et donc, on peut avoir... alors, j'ai en tête un schéma hein, où inégalité, voilà, c'est... je vais essayer de vous le décrire, ça va peut-être pas être simple, mais où, voilà, il y a des gens de différentes tailles et qui regardent Vos mains, c'est très clair. Ah oui, voilà, avec mes mains, c'est très clair, mais voilà, ça ne sera pas. Non, ça va continuer. Oui, qui regardent un spectacle et le plus petit peut pas voir parce qu'il est derrière la palissade, celui qui est au milieu, il voit à peine, et puis celui qui est grand, il voit très bien. Et donc, l'équité, c'est... par exemple, de mettre des supports sous celui qui est le plus petit, comme ça il peut voir, et donc on met des supports de différentes tailles à chaque individu. Donc c'est des mécanismes de compensation. Mécanismes de compensation. Et c'est des mécanismes de compensation qui existent aujourd'hui, et qui aujourd'hui, et c'est ce qu'on dit dans le manifeste, hein, sont majoritairement monétaires. Compensation monétaire. Monétaire, on l'a vu dans les COP, hein, les dernières COP. Monétaire entre les pays. Ou, parfois, monétaire, on donne un chèque pour, quand on sait que l'essence est plus chère ou qu'il faut se chauffer davantage ou pour rénover ses logements. Mais est-ce que celui qui reçoit le chèque considère que justice a été rendue? C'est là toute la question qu'on discute dans le manifeste, parce que ce qu'on met en avant, c'est que la justice, c'est pas juste une question distributive de compensation monétaire, mais qui nous apparaît, et ça a été discuté par des philosophes, c'est vraiment qu'il y a aussi cette reconnaissance de cette altérité, des différences humains, et aussi, vous l'avez dit dans votre introduction, cette nécessité de participer au processus de décision. Les communautés noires dont je parlais, alors j'ai pas travaillé sur ces communautés, hein, mais de ce que j'ai pu en lire, c'est effectivement une compensation, certainement monétaire, mais c'est aussi et surtout de participer au processus de décision pour pouvoir faire entendre sa voix. Alors vous dites dans le manifeste qu'il y a évidemment des inégalités de genre, notamment dans le domaine climatique, et il semble établi que les femmes sont plus affectées que les hommes par le changement climatique. Est-ce qu'on comprend pourquoi ? Est-ce que la cause a pu être identifiée ? Parce que ça semble pas aller de soi. Alors, il y a des études qui ont été faites et c'est toujours multifactoriel. C'est ça la difficulté, c'est la complexité. J'avais écouté une série d'émissions de podcasts qui avaient été faites sur les tsunamis. Et en fait, qui montraient vraiment très bien comment les femmes, alors déjà avec des chiffres, hein, quantitativement, il y a eu plus de mortalité féminine que de mortalité masculine. Et donc, pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Je me souviens, c'était « Le changement climatique est-il sexiste ?» la question qui était posée. Et en fait, on voit bien, quand on comprend les éléments culturels, que les femmes, c'est le soin des autres, c'est le care qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, et donc c'est celles qui restent, qui prennent soin de ceux qui peuvent pas se déplacer, c'est celles aussi qui attendent parfois que leur mari leur dise quoi faire, et donc qui sont dans une situation qui prennent pas forcément les décisions. C'est aussi celles qui sont habillées et quand il y a des vagues qui approchent ou des problèmes comme ça, qui ne peuvent pas nager ou s'échapper. Il y a plein d'éléments. Et puis, évidemment, il faut toujours croiser ces éléments de genre avec ces éléments aussi sociaux. C'est-à-dire que les femmes avec les niveaux les plus élevés n'ont pas forcément eu les mêmes difficultés. Oui, par exemple, Frédéric Schluss, dans votre manifeste, vous citez l'exemple de l'ouragan Katrina en 2005, où les populations noires ont était beaucoup plus touché par l'ouragan en termes de mortalité que les autres, parce que les plans d'évacuation étaient prévus pour les gens qui avaient des voitures. Oui, voilà. Ils n'avaient manifestement pas été consultés pour savoir ce qu'ils pourraient faire dans de telles circonstances. Certains parlent d'une tragédie des communs. Est-ce que c'est un terme qui recouvre tout ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que, quels que soient les sujets dont on parle, changement climatique, réduction de la biodiversité, pollution de tous ordres, tous les indicateurs sont alarmants et on a l'impression que les communs vont être d'une part en voie de raréfaction et d'autre part très inégalement accessibles. Alors la question des communs, c'est une question vraiment importante et qui rejoint cette question de la justice environnementale, notamment dans la participation des différents groupes sociaux et la reconnaissance des savoirs, savoir-faire, etc. La tragédie des communs, c'est une étude qui a été faite par Gareth Harding qui montrait qu'en fait, quand il y avait des communs, on allait obligatoirement vers un appauvrissement et vers, chacun prenait le plus possible et il restait plus rien. Depuis, il y a des études qui ont été faites, alors notamment par Elinor Ostrom, économiste prix Nobel, qui ont montré que des populations pouvaient s'organiser pour protéger les communs. Et ça fait le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, sur le fait que certaines populations autochtones ou populations locales ont des modes de gestion traditionnels, traditionnels avec tous les guillemets qu'il faut mettre quand on est anthropologue, hein, mais des modes de gestion traditionnels qui leur permet de conserver un état suffisamment acceptable ou de bonne qualité de la biodiversité. Alors moi qui travaille sur les espaces maritimes, on voit bien qu'il existe, par exemple en Polynésie, le système de Raoui. C'est un système où on a des interdictions, par exemple de pêche, mais bon, ça existe sur la terre aussi, des interdictions de pêche à certains moments, certains calendriers ou certains types d'espèces ou certaines tailles d'espèces, etc. Et que c'est un système qui existe depuis très, très longtemps. Cet espace maritime était considéré comme un espace commun, un espace qui était socialement totalement approprié, c'est pas un espace extérieur, et il y avait ces modes de gestion avec quelqu'un qui une décision qui était prise, l'ensemble de la communauté acceptait cette décision, des sanctions qui pouvaient être prises. Et Elinor Ostrom a montré que cette gestion des communs, elle était plutôt efficace. Donc aujourd'hui, la question, elle est plutôt de savoir comment peut-être amplifier, généraliser ces gestions par des populations locales, autochtones, qui connaissent leur milieu, qui ont des savoir-faire. Et par exemple, en Polynésie, voilà, il y a tout un système qui s'est mis en place pour que ce raoui soit davantage mis en place. Mais on n'est plus dans le raoui vraiment traditionnel, parce que les chefs de tribu n'existent pas. Donc, c'est les maires ou c'est d'autres structures qui les prennent en charge. Donc, on est plutôt voilà, dans se disant, ben, peut-être que ce serait bien de faire confiance aux gens qui connaissent leur milieu et qui sont, plutôt que d'imposer par le haut des méthodes occidentales, très souvent, hein, de gestion. Mais la grande autre question et sur laquelle on travaille en ce moment, notamment sur l'océan, c'est est-ce qu'on peut considérer l'océan comme un commun et comment on gère un commun à l'échelle de la planète. Voilà, parce que l'exemple que vous donnez, c'est un exemple local. Oui. Ça marche bien, oui. Mais c'est pas forcément généralisable. Et à ma connaissance, et vous me direz si je me trompe, le seul cas où on a pu régler un problème commun à l'échelle de la planète, c'est la réduction du trou dans la couche d'ozone. Oui, on voit bien que pour le climat, c'est plus difficile déjà. Ouais, pour le climat, c'est difficile. Pour la biodiversité, c'est difficile. Et là, aujourd'hui, c'est... Parce que plus les communs se réduisent, plus la tentation de ne pas les partager augmente. Il y a des rivalités qui apparaissent, des concurrences. Oui, mais je ne sais pas si les communs se réduisent ou c'est effectivement l'espace qui est un espace commun est de moins en moins bonne qualité. Voilà, on est plutôt dans cette approche-là. On sait qu'aujourd'hui, alors pour ce que je connais moi, pour les océans, il y a quand même plus de communs de gestion commune qui se met en place, parce que on voit bien que ça ne marche pas sinon. Si on n'associe pas les populations locales, ça ne marche pas. Donc faut les associer. Alors parlons non plus de biodiversité, mais de changement climatique, par exemple, on entend de plus en plus parler de dette écologique. Et comment est-ce qu'on peut la définir? Comment est-ce qu'on peut la répartir? Comment est-ce qu'on peut l'honorer? Parce que dans la notion de dette, il y a l'idée sous-jacente d'une monétarisation de la justice environnementale. Est-ce que c'est la bonne solution? Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'aujourd'hui, les compensations, c'est notamment monétaire. C'est principalement monétaire à chaque fois. C'est comment faire en sorte que les pays qui subissent quand même cette dégradation, parce qu'il y a tout un tas de pays qui subissent la dégradation du climat, qui sont dus à des émissions à effet de serre, qui sont quand même très inégalitaires. On dit toujours le chiffre, hein, c'est 10% des plus riches produisent 50% des émissions à effet de serre. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité flagrante. Donc une des questions, c'est on compense de manière monétaire. Ce qui est... Et si on prend une taxe, si on impose une taxe qui est proportionnelle aux revenus, c'est injuste. Oui. Comme vous le dites, je vous cite, d'une façon générale, les populations favorisées émettent plus en valeur absolue, mais en proportion dépensent moins pour leurs besoins énergétiques ou leur alimentation que les populations démunies. Donc si on met une taxe, ça défavorise les populations démunies encore plus. Oui. Alors après, ce qui est compliqué aussi, parce que c'est compliqué cette notion. Oui, c'est compliqué. C'est les différents niveaux. En fait, il y a infra-pays, il y a les niveaux régionaux, nationaux et internationaux. On voit bien que dans les COP, ce qui se discute en ce moment, c'est les compensations monétaires entre pays, avec voilà les plus petits États ou les États les plus affaiblis qui demandent une compensation monétaire. Et bon, je vais parler encore de ce que je connais le mieux, hein, mais les petits États insulaires, qui se nomment d'ailleurs grands États océaniques, parce qu'ils ont une autre vision du monde que la nôtre, que l'on leur impose d'être tout petits. Non, ils sont grands, parce qu'ils ont un domaine maritime important. Donc ces petits États insulaires ont attaqué dans les dernières COP, ont voulu des taxes particulières sur les producteurs d'énergie fossile ou ces États qui produisaient... Parce qu'ils sont menacés par la montée des eaux. Ils sont extrêmement menacés par la montée des eaux. Certains même pensent disparaître d'ici à quelques dizaines d'années. Donc, il y a cette question-là. Et ce dont vous avez parlé, il y a la question infranationale, en fait. Effectivement, quand on a mis en place la taxe carbone, on l'a mis en place de manière indifférenciée, et c'est les plus faibles revenus qui sont les plus affectés, alors qu'il aurait fallu penser justement cette justice environnementale. Mais on pourrait imaginer inscrire dans une sorte de constitution mondiale un droit à l'environnement sain. C'est facile à écrire, mais c'est pas facile à réaliser. Ça ressemble à un vœu pieux. Comment est-ce qu'on peut garantir que l'environnement de tout le monde soit sain ? Est-ce que ça n'obligerait pas à déplacer les populations qui vivent dans un environnement malsain à pouvoir se rendre ailleurs où l'environnement est meilleur ? Alors, il existe déjà dans certaines constitutions, et je crois de mémoire, on le dit dans le manifeste, dans une centaine de pays, ce droit à un environnement sain. Mais comme où qu'on soit, on dépend d'activités qui se passent ailleurs. Comment est-ce qu'on peut garantir ce droit ? Question, alors je ne sais pas si je suis capable de répondre à cette question. Il faut une espèce de supra-autorité qui prenne des mesures telles que, par exemple, l'élévation du niveau des mers soit limitée, de sorte que les pays insulaires dont vous venez de parler soient protégés de la montée des eaux. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ce droit à un environnement sain, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de contentieux qui sont adressés aux États qui doivent garantir aux populations cet environnement sain. Et donc, c'est une sorte de pression juridique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dire aux États, vous devez nous assurer aujourd'hui, pour les gens qui habitent aujourd'hui, un environnement sain, mais aussi, et ça c'est un enjeu extrêmement important, pour les générations futures. Et les générations futures, en fait, on voit, il y a eu quelques contentieux avec des très jeunes, des jeunes enfants. Les générations futures, c'est celles qui sont là aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt un outil. Après, un environnement sain, moi, quand je parle avec mes collègues écologues, c'est quelque chose de assez compliqué. Alors, on peut, un environnement sain, mesurer des pollutions. Mais après, un environnement sain, jusqu'où ça va ? C'est aussi un environnement où il y a des interactions, il y a encore des pollinisateurs. Ça, c'est pour les écologues. Ces interactions sont extrêmement importantes, donc c'est un environnement sain. Et dans cet environnement sain, nous, on met aussi en avant le droit à bénéficier des aménités, ce qu'on appelle les aménités, le bien-être que procure d'être aussi dans cet environnement. Donc on voit bien qu'entre ce qui peut être mesuré, dire bon bah vous êtes dans un environnement sain parce que vous avez moins de tant de parties par million de je ne sais trop quoi ou de pollution, et puis jusqu'à ce que chacun puisse bénéficier des mêmes aménités, on est dans des choses très subtiles et très très complexes à mettre en avant et à quantifier ou à qualifier. Et donc, il y a quantification, qualification. Frédéric Chose, vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans une société donnée, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart entre les lois et l'opinion. Sans quoi, les lois perdent en autorité. Elles semblent complètement étrangères. Est-ce que la justice environnementale, qui est votre sujet, n'implique pas que des lois deviennent universelles et en même temps étrangères ou contradictoires avec certaines façons de penser, avec certaines coutumes? Autrement dit, comment une loi, une juridiction, pourrait-elle s'imposer dans un monde où la diversité des cultures, des façons de penser est si grande? Je vous pose la question parce que c'est une question que se posait Einstein. Quand il parlait d'un gouvernement mondial. Oui, c'est en fait toute la difficulté de cette pensée universaliste d'à la fois avoir des éléments qui soient effectivement que l'on pourrait penser de manière mondiale, mais aussi de reconnaître les différentes formes. Et c'est pour ça que dans la fin du manifeste, on parle de cette justice environnementale qui doit être universelle, mais sous une forme pluriverselle. C'est-à-dire, alors voilà, c'est un petit peu compliqué certainement à prendre en compte, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que cette notion de justice, elle doit s'imposer, de justice environnementale. Alors justice environnementale, juste pour dire qu'on la conçoit nous, c'est la justice socio-environnementale entre humains, et la justice aussi écologique, c'est la justice aussi pour les non-humains ou les autres vivants. C'est-à-dire qu'il faut considérer les autres vivants. Et donc ça, c'est une révolution aussi pour notre société, un peu vraiment anthropologique. Et donc, poser ce cadre de cette justice, mais reconnaître à chaque pays la capacité à le construire dans de la manière qui est la plus intéressante, parce qu'on va pas devenir animiste, ça n'aurait aucun sens, puisqu'on va importer quelque chose qui nous est totalement étranger ou totémiste. Il faut vraiment que cette construction, elle se fasse en relation avec les différents pays et les différentes cultures. En tout cas, votre manifeste plaide pour qu'on reconnaisse de nouvelles entités juridiques. Et d'ailleurs, depuis 15 ans, c'est ce que vous rappelez, des fleuves, des forêts, des glaciers se sont vus reconnaître des droits dans des systèmes juridiques. Alors, ça veut dire quoi exactement? Quels sont ces droits? Quel est le droit d'un glacier? Alors, je connais bien la mer de glace. On peut lui donner tous les droits qu'on veut, elle va disparaître. Oui. Elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître. C'est clair. Alors, le droit, c'est un droit d'un écosystème à être présent, a aussi à évoluer, parce qu'il y a aussi cette capacité d'évolution. Alors, moi, je parle plutôt de ce que je connais, mais encore une fois, je suis pas écologue, mais de ce que je connais un petit peu mieux, qui sont les écosystèmes par rapport aux glaciers. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que cette entité, elle soit reconnue, qu'elle ait un porte-parole et qu'elle puisse, du coup, plaider son cas. Et donc la mer de glace, on pourrait imaginer qu'elle plaide son cas pour dire d'accord, je sais que je vais disparaître, mais peut-être pas complètement disparaître, et vous devez faire quelque chose pour que je disparaisse pas complètement. Et que les autres ne disparaissent pas non plus. Les autres glaciers, effectivement, la question des glaciers est une question extrêmement importante. La question de l'eau en général. Oui, et ça donne un outil pour des entités de pouvoir être représentées et de pouvoir le droit à exister, à continuer d'exister, à continuer d'évoluer. Et ça me paraît vraiment important, ce droit-là. Frédéric Schuss, donc vous avez présidé ce comité qui publie, nous sommes en janvier 2024, donc qui publie ce manifeste du muséum. Il est publié donc depuis quelques semaines. Quel accueil reçoit-il auprès des politiques, des journalistes, de la population? Alors, c'est à la fois un accueil, pour être totalement franche, où on peut dire c'est quand même une question compliquée. Cette question de justice environnementale, donc on renvoie, pourtant on a essayé de faire simple, mais en bon. En plus, on voit bien qu'il y a une polysémie du terme. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est prendre en compte la justice pour les humains et la justice avec les autres vivants. Donc, c'est vraiment une conception que certains ça n'effleure pas forcément à la pensée de tout le monde de prendre en compte les humains et les autres vivants. Mais ce qu'on veut quand même rappeler, c'est que on habite une terre ensemble et que cette habitabilité, elle doit être pour l'ensemble. Et de toute façon, les humains sont interdépendants des autres vivants. Donc ça, c'est bon. Déjà cette complexité de cette notion et aussi de changer. Ça veut dire changer une manière de concevoir les choses, mais y compris pour parfois certains scientifiques, parce que quand on dit la reconnaissance aussi des savoirs locaux, la reconnaissance des autres populations, pour certains scientifiques, c'est compliqué, puisqu'il y a la connaissance scientifique, et à côté, il n'y a pas d'autres formes de connaissance. En ayant eu des échanges avec des personnes qui sont dans les ministères qui s'intéressent à cette transition environnementale, on voit bien que c'est un sujet qui, alors qu'en France était quand même assez peu pensé, devient un sujet important. C'est au moment du sommet d'Orion en 1992 que cette question a été mise sur la table. Cette question de la reconnaissance des savoirs locaux et des autres populations, elle a été mise sur la table. En 1995, je crois que aux États-Unis, 1995, avec Clinton, il y a eu vraiment cette question de la justice environnementale, elle devait être au cœur des actions. En France, on en parle assez peu, malgré tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte, c'est peut-être pas que pour ça, mais que pour être efficace, il faut qu'une politique publique, elle soit juste. Et donc, ça monte de plus en plus. Ça monte aussi cette question au niveau des scientifiques qui la prennent à bras-le-corps, parce qu'on a aussi en France assez peu d'éléments d'études qui sont faites. Alors, Valérie Deldrève, par exemple, elle est très active dans un réseau de chercheurs francophones sur cette justice environnementale, mais il n'y a pas tant que ça de chercheurs qui travaillent. Et ça aussi, il faut scientifiquement aussi se l'approprier, cette question-là. Mais est-ce que c'est une invention des chercheurs, cette notion de justice environnementale ou des politiques de pays puissants, vous avez cité Clinton, ou est-ce que la demande vient de ceux qui se sentent les plus menacés et les plus injustement traités? Alors, c'est... Je dirais pas que c'est une invention des scientifiques. Les scientifiques ont participé, notamment quand on parlait des premières fois où cette justice environnementale est venue et a été mise en avant. Parce qu'en fait, je vais reprendre un petit peu, excusez-moi pour cette digression, mais les écologues se sont assez peu intéressés aux questions sociales. Et les sociologues, anthropologues, jusqu'à il y a quelques années... assez peu aux questions... C'est-à-dire que la séparation dont on parle, elle existe aussi chez les chercheurs. Elle existait aussi chez les chercheurs. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que les anthropologues, et notamment Descola est quand même le fer de lance et la personne qui le représente le mieux, Philippe Descola, c'est aujourd'hui, les sciences sociales s'intéressent à l'environnement et à ses relations à l'environnement. Et donc, on voit bien que c'est les populations noires... Quand elles ont voulu montrer ces injustices qu'elles subissaient, ont mis en avant des études scientifiques ou ont collaboré avec des scientifiques pour montrer ces problèmes-là. Donc après, c'est approprié aussi par les États qui se disent bon, là il y a des problèmes, on va effectivement essayer d'avoir plus de justice, parce que quand même la justice. C'est quand même inscrit aussi dans différents États. C'est quand même un point très important. Et donc, il y a ces questions à l'intérieur des États et il y a aussi tous ces États qui souffrent des pollutions importées ou des émissions de gaz à effet de serre par les grands États et qui, eux, à chaque fois, essayent de se manifester pour plus de justice. Donc, il y a cette plus de justice qui est réclamée. Et les scientifiques aujourd'hui essayent aussi de réfléchir à cette question de la justice et aussi de documenter ces questions de justice. Merci Frédéric Schulz d'être venu à la conversation scientifique pour défendre ce manifeste du muséum auquel je souhaite longue vie et surtout la plus grande efficacité possible. Tout de suite, nous allons écouter avec science la chronique d'Alexandra Delbeau. C'est un phénomène connu de tous, mais sa fonction pose encore question. À quoi sert le bâillement? Il est une sorte de réflexe qui existe dès la naissance. On l'associe à la fatigue, à l'ennui ou au stress. Une chose est sûre, il ne sert pas à oxygéner le cerveau, sinon vous bâilleriez constamment. Aucune fonction physiologique claire ne se dessine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ce qui intrigue surtout, c'est sa contagion. Si vous voyez quelqu'un bâiller, vous aurez envie de bâiller. C'est visuel, mais aussi sonore. Et comme le sourire ou le rire, certains y sont plus sensibles que d'autres. Simple réflexe mimétique ou réelle compassion chez l'humain, on ne sait pas, mais qu'en est-il des autres animaux? Alors déjà, ce phénomène existe bel et bien. Les animaux bâillent, notamment les mammifères sociaux, loups, chiens, cochons, lions, chats et même certains oiseaux comme les perruches. Bien sûr, les primates aussi, des lémuriens jusqu'aux grands singes. Et ceux qui nous intéressent ici, ce sont les babouins gélada. Ils vivent sur les hauts plateaux d'Érythrée et en Éthiopie. Alban Lemasson est éthologue, professeur à l'université de Rennes 1 et spécialiste de la communication des primates. Les babouins gélada ont une socialité qui est extrêmement complexe, mais aussi un répertoire de communication qui est très complexe. Chez les primates non humains, on a des espèces qui sont monogames, on a des espèces qui vivent en groupes unimâles, multifemelles, des sortes de harems, on a des espèces qui vivent en groupes où se mélangent les mâles et les femelles. Les babouins gélada, c'est un peu particulier. Ils ont une structure à plusieurs niveaux, un peu comme chez les humains où on a notre cercle proche et puis un cercle relationnel plus large. Chez les babouins gélada, les sociétés sont organisées en clans et au sein de ces clans, vous avez des harems. Un mâle s'associe avec 4-5 femelles et les différents harems vivent à proximité les uns des autres pour former ces clans. Cette complexité sociale implique probablement une complexité de communication. Le babouin Gélada est un des rares, si ce n'est peut-être le seul, en tout cas je n'en connais pas d'autres, primates non humains qui bâillent en ajoutant parfois du son à son expression faciale. On sait que chez ce babouin, le bâillement est contagieux visuellement. Mais puisque c'est un animal un petit peu bruyant, ce bâillement pourrait-il aussi se transmettre par le son? Est-ce qu'entendre un congénère bâiller suffit à propager ce comportement? Pour tester cette hypothèse, ces scientifiques ont diffusé des sons dans des haut-parleurs au Naturzoo de Rheine, en Allemagne, dans lequel de nombreux babouins Gélada sont maintenus en captivité. Il est important de noter que les sons ont été enregistrés au sein même de ce zoo. Il s'agit soit de bâillements de congénères comme celui-ci, soit des vocalisations qui n'ont rien à voir avec le bâillement comme ce grognement par exemple, c'est le groupe contrôle. L'objectif est d'étudier si le bâillement se propage par le son et si l'identité du bâilleur, entre guillemets, a une incidence sur sa transmission. Résultat, le bâillement sonore est contagieux, d'autant plus quand l'individu qui bâille est familier. Alban Lemasson est co-auteur de cette étude parue dans Scientific Reports. On voit qu'il y a un effet de la familiarité qui va moduler socialement la contagion du bâillement. Il y a peu de travaux qui décrivent cela chez l'animal, c'est démontré chez l'humain, c'est démontré aussi chez le chien. Par exemple, un chien qui observe un humain bâiller, va d'autant plus bâiller que cet humain est la personne avec laquelle il vit. Là, on montre que c'est vrai également dans la modalité auditive. Ça va soulever des questions sur la fonction de ce bâillement, qui reste débattu. Parfois, le bâillement est perçu comme un réflexe lié à la fatigue ou à un stress, par exemple. Nous, on n'a pas vu de lien entre le nombre de bâillements et l'heure de la journée, donc pas d'effet majeur de la fatigue. On n'a pas vu de lien non plus entre le nombre de bâillements et des comportements que l'on sait refléter le stress de l'animal comme l'autograttage compulsif. C'est la première fois que cette contagion auditive est démontrée chez un autre être vivant que l'humain. Et si le babouin qui entend l'un de ses proches congénères bâiller a davantage de chances de bâiller à son tour, cela sous-entend que le bâillement n'est pas juste un réflexe et qu'il y a peut-être une fonction sociale parce que les babouins Gélada forment de larges groupes de plus d'une centaine d'individus, tous ne se voient pas. Et donc la contagion visuelle ne suffirait pas. À présent, pour comprendre pourquoi les bâillements sont visuels ou audiovisuels, la prochaine étape de leurs travaux est d'aller mener une observation de terrain en Éthiopie pour étudier quand ces bâillements sont sonores ou silencieux et s'il existe une signature acoustique particulière à chacun d'entre eux. Merci Alexandra Delbo et merci à vous Frédéric Schluss d'être venu parler de ce manifeste du muséum qui vient de paraître. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Guillaume Ficheux et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.